sed non satiata. Bizarre déité, brune comme les nuits, au parfum mélangé de musc et de havane, œuvre de quelque obi, le fausse de la savane, sorcière au flanc d'ébène, enfant des noirs minuits. Je préfère aux constances, à l'opium, aux nuits, l'élixir de ta bouche où l'amour se pavane, quand vers toi mes désirs partent en caravane, tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis. Par ces deux grands yeux noirs, soupiraux de ton âme, ô démon sans pitié, verse-moi moins de flamme. Je ne suis pas le Styx pour t'embrasser 9 fois. Hélas, je ne puis, mégère libertine, pour briser ton courage et te mettre aux abois, dans l'enfer de ton lit, devenir Proserpine.